Plus grand archipel du monde, l'Indonésie est le pays qui a le troisième pays au monde qui a le plus de volcans. Le meilleur volcan d'Indonésie, on le connaît tous, nous fans de BAD, c'est l'Istora Senayan, la salle qui abrite l'Indonesian Open et qui abrite du BAD depuis 1961. Je voulais en parler puisque c'était sûrement la dernière année qu'elle accueillait l'Indonesian Open qui va sûrement changer de salle. On débrief tout de suite l'Indonesian Open 2023 dans ce nouvel épisode de 21 Shuttle. 21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally. Oh, sensational. I'm the bad guy. Take that. Il avait déclaré, je cite, ne pas être en état pour enregistrer un podcast après la victoire du TFC en Coupe de France. Espérons qu'il le soit un peu plus après la victoire du Stade Toulousain en top 14. C'est Benoît, salut Benoît. Salut Ewan, bonjour à tous. T'as kiffé ton samedi soir ou pas? Ah, je dois avouer que... fou. Oh Romain. Oh Ntamak, la statue. Quand t'as pris l'intervalle. Oh Romain, quand t'as pris l'intervalle. Quelle belle saison pour être Toulousain, j'ai envie de dire. T'es un chanceux. Ouais, puis s'il y a des fans de natation, Léon Marchand, on n'oublie pas d'où il vient non plus. Donc ouais, de toute façon, dès qu'il y a un mec qui est né à 50 km autour de Toulouse, sachez que pour nous, c'est une victoire. Et la perf d'Hugo Gaston à Roland. Ah non, pardon, pas lui. Non. Excuse-moi. Ah, lui, il est plus Toulousain, je crois. Ah, il a perdu la nationalité. oui, exactement. Ça marche. Bon. On a parlé de pas mal de sports, on va peut-être parler BAD un petit peu, puisque comme je l'ai dit, Indonesian Open, donc super 1000. Le troisième super 1000 de la saison, vous savez peut-être que maintenant il y en a quatre, avec la Malaisie qui s'est rajoutée. Donc il reste le China Open, mais on en a déjà 3 sur 4. Et je vais pas vous cacher qu'il y a deux personnes de nationalité chinoise qui ont chopé les trois. D'ailleurs, on va commencer par eux. Oh là, t'as vu la transition. On va commencer par eux, puisqu'on parle du mixte et la victoire de Zheng Wang contre Watanabe Higashino en finale. 21-14, 21-11. Pour le coup, Benoît, il n'y a pas eu match et c'est terrible pour les Japonais, mais le score est limite flatteur. Non, mais franchement, saison relativement moyenne, il y a 3 super 1000, mais... Non, je rigole, évidemment, c'est une putain de blague, mais ce qu'ils ont fait encore aujourd'hui, la semaine dernière, on s'est dit, ouais, ok, ils perdent un match contre les Coréens, bizarre. Ils ont quand même rarement cette tendance à en perdre deux d'affilée, hein, parce que là, ils ont remis les pendules à l'heure aujourd'hui et toute la semaine. C'est ce que j'allais dire, parce qu'ils ont mis donc... Je sais pas si tu veux parler du match, mais franchement, c'est waouh. Bah, wow. Les Japonais, ils ont tout tenté. À un moment, ils ont même inversé le mixte avec Watanabe qui essayait de rusher le filet, mais ils se sont juste fait pilonner pendant je sais pas combien de temps le match a duré, pas longtemps, je pense. Mais ils ont vraiment rien pu faire. C'était impressionnant. En face, ouais, ils sont tombés vraiment contre un mur et ils ont été tellement sous pression sur tout que je crois que c'est la plus grosse défaite. Je crois qu'ils ont égalé la plus grosse défaite qu'ils avaient contre les Chinois. Ils perdent 13-4 maintenant aux confrontations. Et Benoît même, enfin, wow. C'est ouais. Et ces derniers temps, pourtant, ils avaient réussi à les inquiéter, mais là, pourtant, il y a pas eu de finale. Hein. Clairement, c'était trop d'écart. Oui, et Benoît, pour poursuivre. Ils ont mis ça à tout le monde toute la semaine. Hein. Juste un petit tour des scores avant que tu reprennes la parole. C'est 14 et 11 en finale, 19 et 10 contre Feng Wang en demi, 14 et 10 contre Thierry Magelun encore, puis ensuite 14 et 17, 15 et 9. Voilà, vous avez compris, ils n'ont jamais été inquiétés de toute la semaine. Ouais, troisième super 1000 de l'année, hein, c'est ce qu'on disait. Il n'y a que qui en ont remporté. En fait, j'arrive pas à dire. Parfois, ils ont eu des piqûres de rappel, comme celle de la semaine dernière. Mais ça a jamais duré 3 tournois consécutifs très clairement avec eux là. Enfin, le niveau de jeu affiché cette semaine, tu sens que la défaite de la semaine dernière, c'était juste le 1% qui arrive de temps en temps quoi. C'était pas une baisse de régime. Enfin, on voit bien que face à Watanabe Higashino, mais même face à Feng Wang, il y a un écart abyssal, vraiment. Hein. Mais en plus, leur état d'esprit, on parle souvent de leur niveau, mais même leur état d'esprit est admirable. Gil Clark le relevait. C'est vrai que genre même en cette finale, quand il mène de 10 points, dès que Zheng Siwei il fait une erreur, tu vois qu'il s'en veut, qu'il essaye de s'améliorer et tout. Il y a vraiment ce truc de recherche de la perfection qui est assez incroyable, quoi. Ouais, c'est assez impressionnant chez lui notamment, mais enfin, je pense que c'est aussi ce qui fait la réussite de cette paire, parce que des joueurs très forts, il y en a eu aussi forts, je sais pas, mais être capable de chaque semaine quasiment repartir au charbon et toujours vouloir plus. Enfin, moi, c'est vraiment cette sensation que j'ai avec eux, et il n'y a pas de lassitude en fait. C'est cette volonté de d'écraser tout le monde chaque jour. Benoît, on le dit à chaque fois qu'il gagne un tournoi, mais s'il ne gagne pas de titre olympique et notamment pas le titre de Paris, ce sera vraiment un des plus. Ouais, ce sera du niveau Li Chongwei, quoi. Même si eux ont été champions du monde plusieurs fois, donc c'est pas vraiment pareil, mais bon. C'est maintenant, ouais, il leur manque que ça. Bah, quoi. Ouais. C'est l'aboutissement quand même. Je pense que c'est ce qui peut faire de cette paire une des plus grandes de ce sport. Ouais. Sans titre olympique, malgré leur niveau, qu'on n'oubliera probablement jamais, tu rentres dans l'histoire du bad, mais t'es pas le meilleur. Ouais. Super 1000 de l'année, et également troisième Indonesia Open en 4 ans. En sachant que celui qu'ils ont raté, il n'y avait pas de Chinois en 2021. Ils n'étaient pas là. Ouais. Donc voilà, 3 sur 3 sur les derniers disputés. Ce qui est, on va manquer de termes pour décrire ce qu'ils font. Pour le reste, Benoît, j'ai envie de dire Watanabe et Gashino qui eux ont galéré au premier tour, au deuxième tour, pas en quart mais aussi en demi contre Tang Tse. Finale avec leur forme actuelle, où notamment on est qu'à quelques semaines de la Sudirman où ils étaient même plus numéro 1 japonais dans l'esprit des coachs. Finale d'un 1000, je pense que c'est déjà un très très bon résultat pour eux, je pense. Ouais, c'est un très bon résultat, et même s'ils ont galéré, le niveau de jeu en vrai ça allait mieux qu'à la Sudirman. Je suis pas particulièrement inquiet, mais c'est pas non plus Watanabe Gashino qui était capable de rivaliser avec Zheng Wang, pas tous les jours, mais plus que ce qu'on a vu là, pas encore en tout cas. C'est clair. Après, en plus, il faut préciser qu'ils ont pas joué de monstre avant la finale. Ah oui, ils ont eu un tableau très clément. Voilà. Bah tiens, dans les têtes de série qui de leur partie de tableau qui n'ont pas qui ne sont pas allés sur leur chemin, tu noteras encore la petite transition, mais celle-là elle fait moins plaisir, celle-ci. Je sais où tu vas, oui. Puisque c'est les Français J.K.L. Ledru qui étaient tête de série 5 et qui étaient censés, je dis bien censés, les jouer en quart. Malheureusement, pour Tom et Delphine, ça s'est arrêté dès le premier tour. Défaite contre les Indonésiens Rivaldi Mentari, 21-14, 21-15, ça faisait un partout dans les confrontations, et ils avaient 8 places d'avance au classement mondial, les Français. Là, Benoît, elles ne se sont pas du tout vues. Deux débuts de set équilibrés, et même à l'avantage des Français, et après, pour une raison que j'ai eu du mal à expliquer, extinction des feux, et final, perf très très décevante de notre paire française. Ouais, c'est ça, dans le contenu, autant que moi je trouve dans l'attitude. Vraiment, tu sens que ils n'y arrivent pas, ils trouvent pas de clé. Le body language, il est cata. Enfin, moi, je sais pas, j'aimerais avoir ton point de vue, mais moi, j'ai trouvé qu'il n'y a rien qui allait. Et eux-mêmes, enfin, on les a sentis en interview d'après-match et tout, tu les sens touchés. Vraiment. C'est pas juste une défaite comme celle de Zheng Wang face aux Coréens, où J.K.L. Delru, ils enchaînent l'écart. Là, moi, je les ai sentis touchés. Et on en parlait en off, c'est aussi une question que j'aimerais te poser, parce que je pense qu'on est tous intéressés de savoir un peu ce qu'on en pense. C'est, est-ce que finalement il n'y a pas un effet post-Baptiste Carême là ? Si, exactement, c'est vrai que j'en parlais aussi, c'est difficile, je ne les connais pas assez pour pouvoir répondre oui ou non. Ce qui est vrai, c'est que c'était là maintenant, ça fait un moment qu'il est plus leur coach, et les résultats s'en font sortir. Franchement, ces derniers temps, J.K.L. Delru, ils sont pas monstrueux. Là, ils avaient pas de solution. Alors que normalement, on est quand même sur une paire française très intelligente qui arrive souvent à bien contrer ses adversaires. Là, ils tombent contre une paire Rivaldi-Mentari. Alors bon, Mentari, elle fait le match de sa vie, il faut le dire aussi. J'ai jamais vu jouer comme ça. Réussite de malade et tout. Ouais, t'avais l'impression qu'elle marchait sur l'eau sur ce match. malgré ça, Benoît, quand même, t'es censé, quand t'es les Français, pouvoir faire mieux que ça face à une paire 15e mondiale qui a jamais été non plus extraordinaire. Et ouais, je suis d'accord avec toi que, en fait, elle fait mal cette défaite parce que c'est pas juste t'es en haut de la vague et tout d'un coup t'as un petit écart. C'est que ça, c'est très révélateur de leur niveau actuel en fait. Ouais, bah, je partage totalement, c'est aussi mon point de vue. Et ouais, c'est ça, c'est pas une défaite, j'ai envie de dire, juste rappel à l'ordre. Là, c'est vraiment dans un creux et c'est pas le bon moment. Et je pense qu'eux ont besoin vraiment de gagner des matchs là, qui vont leur redonner confiance. J'espère que ce sera aux Jeux européens parce que je pense que ça peut être le bon moment. Mais en même temps, ça peut être aussi tout l'inverse et ça peut être vraiment pour eux mentalement difficile à digérer quoi. C'est une sale période. Ouais, voilà, je pense qu'on a tout dit hein. C'est vrai que c'est assez inquiétant, voilà. On espère que ça ira mieux et notamment comme tu l'as dit au jeu européen. Dans le reste du tableau, du coup, pas d'autres paires françaises. De qui on peut parler ? On peut parler des têtes de série qui ont perdu tôt, notamment Golaï au premier tour contre Kucharzhenko, ouais. Kusumawati, qui ont eux-mêmes perdu contre Thierry Magelund. Donc Thierry Magelund qui avait battu Ellie Smith au premier tour, bah, ils se font un quart de finale en Super 1000, plutôt inattendu. Puavarano Crotaire, Atanachai qui perdent contre Feng Wang, pas non plus excellent cette semaine, les Thaïlandais en quart. Christian Senboyeux, qui avait gagné la semaine dernière, là, il perd également contre Feng Wang au deuxième tour. Jordan Octavianti, qui perd contre Tang Xe. Benoît Tang Xe, qu'on avait un peu perdu de vue, mais mine de rien, ils battent Kim Jae-hong, Jordan Octavianti, Tabolin Peak, qui avait fait l'exploit de leur vie en tapant Seo Chae, et avant de perdre contre Watanabe Higashino, voilà, Tang Xe, qu'on voyait plus trop ces derniers temps, et qui là font une bonne semaine. Ouais, ils sont toujours plus ou moins là, hein. Ils sont repassés devant Tomé Delphine au ranking mondial. Et en fait, c'est typiquement... Bon, Golaï, j'ai un autre avis. Je pense qu'on est vraiment dans le dur. Mais tant que c'est, ils sont toujours plus ou moins là. Et pour moi, c'est eux qui font quasi la plus grosse semaine, en vrai. Parce que ils battent Kim Jae-hong qui sort d'une grosse semaine. Ils battent Jordan Octavianti. Non, ils font vraiment une grosse semaine. Ils sont vraiment à un bon niveau face à Watanabe Higashino. Ouais, tant que c'est ça revient plutôt pas mal. Alors la question, ce sera combien de temps, mais grosse semaine, ouais. Et Benoît, j'ai dit Table Olympic du coup qui font également quart, ça ouais. Fait un peu de mal de voir qu'il y a deux paires européennes qui arrivent à faire un quart et que les Français n'en font pas partie. Oui, totalement, surtout quand il y a Thierry Magelund. Voilà, exactement. Et Table Olympic, c'est vraiment une paire d'exploits, ils arrivent à sortir des trucs des fois. Ouais, il y a Yamashita Shinoya puis Seo Chae. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le mixte, Benoît ? C'était pas un... Enfin, moi, j'ai pas pris de plaisir de ouf. Il n'y a pas de match où... Non, moi non plus. Où j'ai grave kiffé. C'est un peu dur, peut-être, hein, mais sur un Super 1000, moi, j'ai toujours envie qu'il y ait un match dont je me souvienne à la fin de la saison, quoi. Ouais, et en plus, Benoît, le mixte a quand même pris l'habitude de nous en apporter des matchs comme ça. Et là, non. Exactement. Ouais, c'est pour ça. Allez, on va voir si on a sur les autres tableaux, si tu veux bien. Notamment sur le simple dame. I'm the bad guy. Take that. Alors, la victoire pour Chen Yufei qui bat Carolina Marin 21-18, 21-19. Benoît, qu'est-ce que t'as pensé de ce match très équilibré avec un, comme le score peut l'indiquer, avec un premier set à toi, à moi, où les deux joueuses auront pris l'avantage chacune leur tour, et un deuxième set que Carolina Marin ne doit jamais perdre, puisqu'elle mène 16-10, et qu'on pensait que ça allait déjà au troisième, elle prend une remontée de l'enfer avec 7 points consécutifs de la chinoise. Voilà, moi j'ai plus ou moins dit ce que j'en pensais de ce match. Ouais, bah elle doit jamais le perdre, je suis d'accord avec toi. Chen Yufei, ça va lui faire du bien, hein, parce que premier tournoi gagné de l'année, clairement elle affichait pas une forme de ouf en arrivant sur l'Indonesia Open la semaine dernière. Elle s'était fait balayer par Han Se-young, hein, c'est ça, ben, balayer, je suis un peu dur, mais dans le contenu en tout cas, je me souviens plus exactement du score, mais dans le contenu il y avait une grosse domination. La semaine de Chen Yufei, elle sort presque de nulle part, j'ai envie de dire, et c'est un titre qui va lui faire du bien, même si je suis d'accord avec toi sur l'ensemble de la finale. J'ai pas vu un niveau de jeu de malade, Et deux, ce deuxième set, elle s'en sort quand même relativement bien, même si bon, elle a rien demandé, elle a serré le jeu et en face, ça a complètement craqué. Mais c'est surtout ça en fait que je retiens, c'est qu'elle a mieux géré peut-être les fins de set, mais globalement sur le niveau de jeu, bon, c'est pas sur cette finale en tout cas que j'ai été rassuré, peut-être plus sur la demi, voilà. Je te corrige, elle a perdu contre Akane Yamaguchi, c'était encore avant qu'elle ait perdu contre Han Se-young Chen Yufei. De toute façon, si tu perds pas contre une, tu perds contre l'autre globalement. pour rester sur la finale, ouais, pas un match de ouf. Et alors, bon, moi j'aime beaucoup Carolina Marin, donc là c'est le seum qui va parler. Chen Yufei, elle est arrivée avec un plan de jeu où vraiment le but c'était pas de proposer grand chose, c'était vraiment de contrer et de forcer l'Espagnol à faire les fautes, et visiblement ça a très bien marché. Tu vois, je trouve c'est régulièrement ça quand même. Ouais, d'une c'est ça, et contre Carolina Marin, il fallait clairement pas l'attendre à voir faire autre chose. Je crois que d'ailleurs Gil Clark l'a dit qu'elle attaquait vraiment, pas beaucoup. Et c'est ça aussi qui a fait que c'était un match un peu pas ouf quoi. Ouais, après voilà, moi Chen Yufei, j'admire ce qu'elle fait et son niveau de jeu. Maintenant, en termes de kiff, pour moi, c'est le degré zéro du simple dame. Hein, donc, moi aussi. Que soit contre, c'est dur, hein, ça c'est un jugement personnel, mais que ce soit contre Carolina Marin, Tai Tsuying ou d'autres, ou Han Se-young, moi je prends pas de plaisir à voir jouer Chen Yufei. C'est pas une joueuse qui crée du jeu. C'est une joueuse qui est hyper constante, qui va te faire jouer, qui est capable de durer, mais c'est pas un jeu qui, en tout cas, moi, me fait kiffer. Et son plan de jeu, tu l'as bien dit, il était clairement pas de proposer offensivement, il était de rallonger au maximum les échanges face à une Carolina Marin qui peut-être a du mal à tenir une semaine entière. Et effectivement, son manque de lucidité parfois sur les fins de set, ça donne raison à son plan de jeu à Chen Yufei. Parlons des demi, Benoît, puisque là, si vous nous avez écouté la semaine dernière, vous allez nous dire je croyais que Han Se-young elle était invincible. Et pareil. On est un peu ennuyé avec Benoît parce que nous aussi on pensait. Et elle a pris 8 et 17 contre Chen Yufei en demi. Benoît, ma question elle est simple, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Difficile de l'expliquer, peut-être le. Une petite baisse de régime, physique, je pense. Comment tu veux lui reprocher? C'est compliqué, hein. Elle a perdu deux matchs cette année, c'est le deuxième. Ou le troisième peut-être, j'ai plus en tête. Bref, deux ou troisième match perdu de la saison. C'est un peu comme Zheng Wang actuellement. Il y en aura des défaites, évidemment. Oui, tu peux gagner 40 matchs d'affilée, mais il y aura toujours des piqûres de rappel. Pour moi, ça en est une. Il y a eu une petite baisse de régime physique et c'est difficile de lui en vouloir parce que là, elle a quand même enchaîné un peu. Mais ouais, voilà, moi, c'est comme ça que je l'expliquerai plus que réellement par le niveau de jeu, même si Chen Yufei, c'est quand même une joueuse qui l'a souvent battue. Je crois qu'elle l'a battue 10-4 deux fois. 10-4 maintenant. Ouais, voilà. C'est une explication que j'avais aussi. Elle tombe contre la joueuse par excellence qui lui pose des problèmes, quoi. Mais les dernières fois, il me semble qu'Han Se-young quand même l'a battu plusieurs fois. Donc, elle lui pose des problèmes et baisse de régime, je dirais. Han Se-young l'a battu trois fois cette année, et j'avais déjà oublié, mais à la Sudirman, Chen Yufei avait gagné leur dernier match en date. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Premier tournoi de l'année où Han Se-young n'est pas en finale. premier tournoi de l'année 500 ou au-dessus. En 9 tournois, je crois, c'est ça. Je crois que c'est ça aussi, ouais. Ouais. Donc c'est monstrueux, elle fait demi. Elle perd pas au premier tour, hein. Non. Parce que même Benoît en quart, et Bing Jiao lui prend un set, mais après au troisième, on n'a jamais vraiment cru. Je poursuis un peu sur Han Se-young que la Coréenne pouvait perdre. Hein. Non, et Bing Jiao non plus, on n'a jamais cru. Je pense que c'est un peu ça. Allons sur la deuxième demi. Demi d'ancienne championne du monde, Carolina Marin contre Ratchano Quintanon. Deux joueuses qu'on n'attendait pas, puisque on va d'abord parler des quarts en fait. C'est peut-être plus logique de faire comme ça. Ouais. Puisque ce qu'on a dit aussi la semaine dernière, c'était que c'est toujours les quatre mêmes en demi, et là, ça marche plus. Puisque donc Quintanon a battu Yamaguchi 18-21, 25-23, 21-16. Benoît, je voyais pas Quintanon gagner ce match, je la voyais craquer beaucoup plus tôt, et même quand ça allait au troisième, j'y croyais pas trop. Elle m'a donné tort et. On en parlait pendant ce match, je m'en souviens, on se disait c'est Quintanon, elle a pas été en mode total régal, mais je pense que là les points c'est et la victoire étaient amplement suffisants pour elle. Mm. Ouais, et je, si tu me permets, je vais faire un parallèle avec l'autre quart de finale dont on parle, parce que dans la partie basse, on avait les deux têtes de série, Chen Yufei et Han Se-young à leur place. Mais dans le deuxième quart de finale de la partie haute, du coup, c'est Carolina Marin qui tape Tight Swing. Et 21-18, 21-13 pour le score. Et je trouve qu'on peut vraiment faire un parallèle entre les deux, parce que pour moi, on n'a vu aucun des deux matchs fous avec deux joueuses favoris, donc Yamaguchi et Tight Swing. Vraiment, je dirais pas en dilettante, c'est pas le mot, mais vraiment en demi-teinte. Pas en mode frein à main, mais vraiment quasiment rien dans le moteur. Incapable de proposer quoi que ce soit. Et je les ai trouvées vraiment diminuées physiquement, les deux. C'est pour ça que je me permets de faire ce parallèle. Et le parallèle, si tu me diras ce que t'en penses, mais il vaut aussi pour les deux autres, Carolina Marin et Ratchano Quintanon. C'est deux victoires qu'elles attendaient depuis un moment. Ratchano Quintanon, on en parlait ensemble, elle avait plus battu de top 5 mondial depuis octobre 2022. Donc il y en avait vraiment besoin. Et les deux, je pense qu'elles avaient besoin de ces points, de cette confiance face à des top joueuses. Donc c'est vraiment deux exploits qu'on ne voyait pas venir. Non, c'est clair. Surtout, voilà, ouais, je pense que Yamaguchi, physiquement, ça a un peu pêché. Elle fait gros premier tour. Tight Swing, j'ai un peu moins d'explications. Je trouve que le plan de jeu de Carolina Marin, en gros, mettre des gros sacs au fond et ne rien donner à Tight Swing, lui donner que des gros volants au fond à jouer, je trouve que ça a plutôt bien marché. Après, Tight Swing, j'attendais quand même qu'elle propose un peu autre chose. Benoît, je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que toi, tu restes sur l'explication de la baisse physique? Parce que j'ai trouvé que jouer fond-fond avec Carolina Marin, c'est pas possible et on n'est pas les seuls à le savoir. Elle aussi, elle doit le savoir, tu vois. Ouais, c'était un cumul de plein de choses, notamment la baisse physique. Je reste, oui, là-dessus, mais t'as raison, le plan de jeu de Carolina Marin, il était plutôt excellent. Moi, je pense que Tight Swing a pas assez insisté sur notamment des contre-pieds croisés au filet. J'allais dire ça aussi. Forcer Carolina Marin. Non, j'allais dire ça. C'est vrai que à lui faire des diagonales, je trouve qu'elle l'a pas assez fait. Et quand elle le faisait, ça marchait bien. Ouais. Marin aujourd'hui, elle a beaucoup plus de mal. Moi, je trouve dans ses déplacements latéraux, de reprendre ses appuis sur le contre-pied, elle a beaucoup plus de difficultés qu'à l'époque. Et c'est un plan de jeu qui, à chaque fois que tu joues Carolina Marin, fonctionne. En tout cas, c'est ce qu'avait fait Kate Tong la semaine dernière. Et je pense que Tight Swing, techniquement, qu'on m'explique pas qu'elle a pas les armes pour faire ça. Donc j'étais un peu surpris par son plan de jeu, mais je l'ai senti pas vraiment concernée, en fait. C'est ça qui est dur. Elle a même pas essayé, tu vois. C'est pas parce qu'elle a essayé qu'elle a fait beaucoup de fautes. C'est bon, elle était là, quoi. Voilà, on a parlé de ce que représentait cette victoire pour Chen Yufei, mais même cette finale, malgré la déception de la fin, Carolina Marin, elle reste sur une excellente semaine. Hein. Elle n'avait pas perdu de set avant la finale. Voilà, quand tu vois que c'est quand même une joueuse, c'est con à dire, mais qui s'est fait les croiser sur les deux genoux, voir ce qu'elle arrive encore à proposer. Moi, j'étais assez content de la voir à ce niveau. Du coup, oui, on n'en a même pas parlé. Benoît, elle met une pilule en demi à Intanon, 21-12, 21-11. Ça se passe un peu de commentaires parce que autant Carolina Marin, elle était contente de sa finale, elle, Intanon, était même contente de sa demi, et je pense que ça se voyait un peu. Et ça se défend, hein, quand tu vois la forme des deux, tu peux totalement comprendre. Bah, Intanon revient d'une maladie. Là, comme j'avais dit, où elle a pas pu s'entraîner beaucoup, demi sur un mille, c'est assez inespéré. Surtout que voilà, elle bat Cho Chuong au passage, ce qui peut quand même compter parce que la concurrence en Thaïlande va être assez rude. Donc, et en plus, elle avait eu un match beaucoup plus difficile la veille contre Yamaguchi. Donc, ouais, je pense qu'elle s'en contente largement de cette demi, très clairement. Ouais. Pour le reste, alors on avait pas de française, je le précise. On avait PV Sindhu qui est plus tête de série maintenant, qui a perdu contre Tight Swing au deuxième tour. On avait Okuhara qui était là mais qui a abandonné parce qu'elle a voulu tester si elle pouvait jouer. Elle pouvait pas. Et voilà, en fait, on a parlé de quasiment toutes les têtes de série. Benoît, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter? Eh ben, j'ai un peu. Bon, vous allez avoir l'impression qu'on est dur, mais j'ai été content de voir Marin et Intanon gagner des matchs, mais j'ai pas de match référence, alors que sur l'Indonesia Open, on a envie de vibrer et tout. Mais je sais pas, j'ai pas eu de match gros kiff. Alors, il y en a eu d'autres dans d'autres tableaux, on va y venir, hein, mais pour l'instant, enfin, sur ces deux premiers tableaux, bon, pour un super 1000, ok, quoi. Ben moi, j'ai pas eu trop de match gros kiff, mais j'en parle maintenant pour. Enfin, je pense que c'est globalement à tous les tableaux. Alors il y a eu des matchs sympas, hein, mais il n'y a pas eu de match dont on se souviendra à la fin de la saison, je pense. Oui, et je pense que c'est en partie dû à la vitesse des volants où les volants sont beaucoup trop lents. J'ai vu qu'Anton Sen en avait parlé d'ailleurs après son match. Et je trouve qu'il y a certains matchs, genre sur les demi, même du double homme. Enfin, c'est une blague, quoi. Quand tu vois des mecs avec des smash comme ils ont, qui n'arrivent pas à faire des points, je trouve que ça ne... Alors, c'est pas la seule explication, je pense, mais ça favorise pas les gros matchs, je trouve. Ça favorise pas le spectacle, donc les gros matchs, c'est clair. Bah voilà, c'est totalement ça. D'accord avec toi. C'est des échanges qui durent trop longtemps, et en simple, ça se voit un peu moins. Mais en double, il y a des trucs, c'est interminable, quoi. Bon, allez, on va rester sur du double justement avec ce troisième tableau, le double dame. Aimez-vous le badminton ? Ah non ! Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Baek Lee qui bat Fukushima Hirota en finale, les coréennes contre les japonaises, 22-10, 21-10. Tu veux en dire un mot, Benoît ? Bah écoute, c'est un peu difficile parce que globalement, c'est logique, moi j'ai trouvé. Vraiment, enfin, les japonaises, même s'il y a 22-10 dans ce premier set, je les ai souvent trouvées en fait trop sur la défensive. Elles étaient vraiment acculées. Et là où elles sont fortes, c'est souvent intellectuellement, sur le terrain, c'est pas rivalisé dans le combat de puissance. Là, vraiment, elles ont jamais rien trouvé, je trouve. Et ça s'est encore reflété sur le second set. Là où elles ont un peu résisté, elles ont complètement explosé. J'étais un peu déçu de la proposition, en fait. Ouais, moi, je suis assez d'accord. De l'autre côté, Baek Lee, elles font une sale semaine. Hein. Franchement, elles ont battu Fukushima Hirota. Elles ont surtout battu Chen Jia en quart, Jeong Kim en demi, et ensuite après Iwanaga Nakanishi et Hirokami Kato, deux paires japonaises. Franchement, Baek Lee, bah, on le dit à chaque fois, Benoît, mais c'est du très très sérieux. Ah, c'est une paire numéro 2 mondiale. Hein. Ouais, et qui est largement à sa place. Hein. Et qui a tapé la première cette semaine. Et qui a corrigé la première. Ouais, parce que 18 et 12, Chen Jia, elles en prennent pas beaucoup des comme ça. Le score est flatteur. Hein. Parce que je peux te dire qu'elles ont sacrément pris la foudre pendant tout le match. Hein. D'ailleurs, c'est un peu ce que je reproche à Chen Jia, encore une fois. Hein. On en a parlé la semaine dernière, on en parle régulièrement, mais moi, quand on voit leur niveau de pointe, moi, je n'arrive pas à concevoir que cette paire-là soit capable de produire de telles poubelles. Vraiment, parce que c'est un match où t'es rentré, t'as fait que subir, t'as mangé, t'as ramassé pendant 45 minutes, je sais plus combien il a duré, mais il n'a pas été non plus archi long. Enfin, l'idée, c'est quoi ? Il n'y a pas de plan de jeu en place. Ne me dis pas que tu les connais pas, c'est les numéros 2 mondiales. Et en fait, ce serait une fois sur 4, 5, tu te dis, bon, ben là, ce jour-là, elles étaient en état de grâce et tout. Mais je trouve que moi, ça arrive trop souvent. Non, je suis assez d'accord. Et c'était pas forcément le cas avant. Et donc, j'ai pas trop d'explications. Beaucoup moins de constance dans la performance, quoi. Alors que, comme on le disait la semaine dernière, je crois déjà, le double dame est pas au plus haut niveau où il a jamais été, donc c'est assez étonnant. Il revient là un peu, là, ça remonte un peu, ça revient à un niveau très sérieux. Les coréennes et les japonaises reviennent bien. Ouais, mais j'aurais bien aimé que Chen Jia tire tout ce wagon, quoi. Exactement. Et oui, c'est le cas quand elle joue comme la semaine dernière, mais quand tu vois ça aussi cette semaine là non, c'est clair, c'est pas, elles sont pas incontestées, quoi. Ouais, c'est clair. Donc Baek Lee, troisième titre de la saison après le German Open et les Malaysia Masters. Et ouais, je suis d'accord qu'elle s'installe tout doucement, tout en haut. Peut-être un mot de la demi entre japonaises, Benoît, Fukushima Hirota, qui ont battu Matsumoto Nagara, qui était plus tête de série, Matsumoto Nagara, mais qui reviennent pas trop mal non plus, notamment avec une victoire contre Kim Kong au premier tour. Match assez décevant, j'ai trouvé, entre japonaises, où vraiment Fukushima et Hirota ont... Alors, je veux pas diminuer leur mérite, mais elles ont gagné parce que physiquement elles ont tenu, quoi. En gros, je trouve que c'est un peu ça. Ouais, je suis d'accord, j'ai pas pris un gros plaisir non plus. Moi, je préfère Matsumoto Nagara dans la proposition de moi jeu. Moi aussi, clairement. Enfin, après, voilà, ça c'est la sensibilité personnelle, ça a rien d'objectif, mais un peu déçu de cet affrontement après le fait qu'elles se connaissent et tout. Bon, ça joue aussi, mais on a eu des tellement masterclass entre les deux. Je pense à des finales mondiales. C'est un classique, hein, cet affrontement. On le voit moins aujourd'hui si vous suivez le bat depuis peu, mais il y a 3-4 ans, c'était vraiment des finales de Super 1000 quasi tout le temps. Et ça fait quand même très plaisir de revoir les deux paires reproduire ce niveau de jeu-là, parce que avant cette demi-finale, elles ont vraiment toutes les deux eu un niveau très sérieux. Et ouais, moi, ça m'a fait plaisir, et elles remontent vraiment la pente, je trouve. La paire française, Margot Lambert et Antran, là, il n'y a pas grand-chose à en dire, moins que d'habitude, je pense. Oh, défaite non. au premier tour contre Zheng Zhang, tête de série 3 chinoise, 14 et 18. Allez, merci, bonsoir. Pour le coup, pas de regret, alors que regret, c'est quand même le mot qui revient souvent avec cette paire, mais là, bah, c'est trop fort, les chinoises. Ouais. Ouais, ouais. Merci, Benoît. Il va falloir gagner des matchs aux Jeux européens, les gars, parce que... C'est clair. Ok, là tu leur en veux pas, enfin je pense que difficile de leur en vouloir, mais il y a eu trop d'occasions ratées et des matchs il va falloir en gagner à un moment. Hein. C'est clair, après ouais, c'est pas sur cette semaine que, comme tu l'as dit, que je leur en veux, mais voilà, des fois t'as pas toujours les meilleurs tirages. En fait ce qui est frustrant c'est que là elles ont pas un bon tirage, mais quand elles en ont un bon, elles en profitent pas vraiment. Donc, bah elles gagnent pas non plus quoi. Bah voilà, c'est ça. Pour le reste, que dire ? Dire que Matsuyama Shida, tête de série 2, sont plantés dès le premier tour contre leur compatriote Miyora Sakuramoto. Ça a libéré un peu le tableau. Kim Kong, j'en ai parlé. Ryu Ramadanti, elles ont passé deux tours contre des paires vraiment inférieures avant de se faire climatiser contre Fukushima Hirota, Benoît. Pas foufou le niveau des Indonésiennes aussi. Non, on en parle de plus en plus, et là c'est même au-delà du soufflet qui retombe, hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est pas juste, il y a certaines paires, au début tu cartonnes parce que aussi, enfin, tu as l'effet de surprise, mais là, bon, elles font un quart, tu me diras, mais si on juge sur la globalité... Ouais, puis un quart où elles battent Effler Le Haut et Choi Woo, les Canadiennes, bon... Ce statut de tête de série, il est bien bien flatteur. Hein. Ah, et puis il fait bien. 4 encore ouais. plus, mais. Ouais, clairement. Voilà, pas de Tantina qui était absente. Pas de Stoeva non plus, effectivement. Benoît, est-ce que j'ai fait le tour pour le double dame? Je crois bien. On va peut-être juste, je sais pas si on en a dit un mot, mais la lutte entre coréenne et japonaise pour aller à Paris, on en parle parce que clairement on sait que ça va être un thriller jusqu'à la fin, mais là cette semaine on en a eu encore un bel aperçu. Ouais, avec notamment des affrontements entre compatriotes qui valent cher. C'est vrai que ça c'est pour ouais, le coup c'est ça c'est très sympa. En même temps quand tu vois la densité de ces deux pays, c'est vraiment un truc de fou. On l'a pas dit parce que on n'a pas eu le temps. Enfin, on a zappé sur le mixte, mais n'oubliez jamais que vous avez beau être numéro 1 dans votre pays à la qualif olympique, votre fédé peut envoyer quelqu'un d'autre. J'ai hésité à en parler, mais on en parlera à la fin vite fait. Oui, voilà. C'est pour ça. C'est un petit teasing avant notre épisode de la semaine prochaine. En attendant, concentrons-nous sur le quatrième tableau, le double homme. Look at this, look at that. Benoît Chiasso qui était en finale contre une paire où ils menaient 8-0 aux confrontations yes. directes, c'est leur premier titre, gagné. Leur premier titre sur le World Tour, Benoît. Attends quoi, on m'appelle. Oui, oui Aaron. Oui, t'es champion du monde. Oui, mais ah non, c'est pas, ils l'ont pas gagné. Je suis désolé, Juan. Oh là là. Non. Il faudra vraiment qu'on fasse des compiles des passages du podcast sur Chiasso à la fin de la saison, parce qu'on commence à être de plus en plus en roue libre. Non, tout ce que j'ai dit est vrai pourtant, c'est toi qui me l'as rappelé juste après le match. Il menait vraiment 8-0 aux confrontations directes contre les Indiens. Mais c'est Rankire Dishetti qui s'impose 21-17, 21-18. Benoît, avant de te demander ton avis sur le match, déjà, si on nous avait dit il y a une semaine que cette finale, ce serait ces deux paires, qui sont pas vraiment les deux paires qui enchantent le plus en ce moment, on aurait été surpris. Pourtant, on va pas se mentir, on a vu quand même plutôt un bon match. On a vu plutôt un bon match avec, pour moi, il y a zéro débat. Hein. C'est les deux meilleures paires de la semaine. Ouais, Chiasso, en plus. On se fout de leur gueule. Mais les deux là, ils ont sorti des énormes matchs. Alors, on se fout de la gueule de Chiasso régulièrement, c'est vrai. Et encore une fois, on va le faire parce que je pense qu'il le mérite. Parce que cette finale, discutable la façon dont tu la joues. Mais on a vraiment vu une très bonne finale avec les deux meilleures paires de la semaine et le meilleur tableau de la semaine. Je pense en aussi. Tout cas, à mes yeux. Ouais, non, je pense ouais. aussi. Là, déjà, la densité de ce tableau, un peu comme le double dame, est folle. Chiasso, alors, faudra revenir sur leur demi parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce match. Ouais, oui, et je me doute. Sur la finale, t'as quelque chose à rajouter? Non, c'est vrai que les Indiens ont été ultra agressifs. Chiasso ouais. qui ont plutôt bien défendu, mais tu peux pas gagner un match en faisant que défendre, quoi. Ben, en fait, c'est ce que je leur reproche un peu, c'est que je pense qu'ils ont d'autres armes à proposer, notamment en technique, plus poser le jeu, plus refuser cette vitesse. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont continuer à subir parce qu'aussi ils ont continué à toujours mettre plus de vitesse. Je pense que c'était pas la bonne solution. Voilà, on n'est pas non plus des joueurs de haut niveau, c'est mon analyse du match. Enfin, la preuve est qu'ils n'ont pas, même pas pris un set. Donc oui, sur le match, je pense que c'était pas la bonne stratégie. Maintenant, ils ont pas été mauvais, mais non. Ils ont tellement subi que le score finalement est logique, parce qu'à force de subir comme ça, c'est rare, très rare que tu t'en sortes dans des matchs comme ça. Voilà. Et combien de finales perdues sur le circuit Chiasso ? Je l'ai plus en tête là. 5-6. Je crois que c'était leur quatrième sur 750 ou plus. Et c'est toujours du coup zéro titre sur le World Tour, ce qui est quand même dingue. On en rigole beaucoup, mais c'est quand même un truc de fou. C'est 5 finales. Benoît, c'est moche, hein. C'est un truc de fou. Sur Ranker et Dichetti, je sais plus, c'est maintenant ou c'est à la fin que tu me fais des excuses là ? Je sais plus, et que tu reconnais que j'avais raison depuis le début. Alors, il y a plusieurs choses. C'est que je m'excuse de les avoir incendiés la semaine dernière, même s'ils ont été nuls. C'est pas des vraies excuses, ça. Ah, ouais, je ferais pas mieux, donc il va falloir que tu te contentes. Ok, ça marche. Le niveau de jeu cette semaine, en fait, ce qui est incompréhensible, c'est d'où ça sort. Parce qu'on le voit pas venir. Alors, on sait qu'ils sont capables de ça. Enfin, je veux dire, c'est une paire que je pense tous les deux on apprécie. Entre ce qu'ils ont fait cette semaine et devenir numéro 1 mondial, il va falloir reproduire ce genre de perf, et c'est plus là que j'ai des doutes. Ouais, moi aussi. Mais le niveau de jeu affiché là, tu veux dire quoi ? Oui, évidemment que c'est top 3 mondial tous les jours. Bah ouais, franchement. Ok, oui, bah oui. On l'a déjà dit, mais je me faisais la réflexion avec cette finale. Chetty, qu'est-ce qu'il a progressé maintenant ? Je trouve qu'il est meilleur que Randy Rusetti. C'est le meilleur des deux. Et sur cette finale, il a été incroyable. Hein. Franchement, avec sa carrure et je sais pas, et sa façon de jouer, tu t'imagines pas que ça puisse être un très bon joueur de filet. Et pourtant, il est vraiment très très bon. Il lit très très bien le jeu. Ouais, c'est ça aussi. Il a lu le jeu de Chiasso comme dans un livre. Enfin, vraiment, c'était. Ouais, j'ai été impressionné parce que sur les interceptions et tout, oui, ok, il mesure 12 mètres. Mais ça fait pas tout, comme tu l'as dit. Enfin, si t'as pas la lecture de jeu, t'as beau mesurer le triple de la taille du filet. Tu vas pas être bon au filet, quoi. Et vraiment, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est lui qui fait d'énormes différences. Exactement. Parlons des demi, peut-être, juste pour rester sur les vainqueurs avant de switcher sur les Français. Bah, restons sur Ranker et Dichetti contre Kang Seo, un match 17-21, 21-19, 21-18. Gros match là encore. C'est aussi à ce match où je faisais référence quand je parlais de la lenteur des volants, parce qu'il n'y a pas tant de points gagnants, je trouve, contrairement à ce qui pourrait se passer sur un match comme ça. Mais grosse ressource mentale de Ranker et Dichetti contre une paire qui est une des meilleures du moment, quoi, les Coréens. Très clairement, je pense pas la peine de regarder leur ranking, mais ils sont encore au-delà du top 10 et ils valent beaucoup plus que ça, à mon sens, très clairement. Mais pour moi, c'est un des matchs, quand je disais que j'ai kiffé le plus cette semaine, c'était notamment celui-là que je pensais. Ouais, il était pas trop mal. Et je pense que ça aurait mérité, comme tu l'as dit aussi, des volants plus rapides, parce que c'est deux paires où, enfin, moi, que je kiffe dans le jeu, en tout cas dans ce qu'ils produisent. Et ouais, c'est là que surtout, peut-être même plus que sur le quart de finale, où je me suis dit, ok, Ranker et Dichetti, là, cette semaine, c'est ce niveau-là auquel je les attends. Alors oui, c'est un jeu à risque, Ranker et Dichetti. C'est très offensif, c'est beaucoup d'interceptions, ok. Mais je trouve quand même qu'il y a une certaine mesure dans le risque. Et face à Kang Seo, il y a eu de l'adversité plus que sur le quart de finale. C'est pour ça que pour moi, c'est plus un match référence. Je sais pas ce que t'en penses. Non, je suis d'accord avec toi. Et mentalement, ils ont été plus en difficulté aussi. Parce que quand tu perds le premier, après, c'est compliqué. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ils ont été très, très solides, et surtout solides dans les moments chauds. Ce qu'ils ne faisaient plus ces derniers temps, surtout. Donc non, ils m'ont impressionné. Ils avaient besoin de gagner des matchs comme ça aussi. Ouais, et de gagner un tournoi aussi, leur premier de l'année, mine de rien, leur deuxième de l'année, pardon, après le Swiss Open. Ah, ils ont gagné en Suisse, ouais. Mais pas le même prestige, quoi. Puis en plus, ils nous font des petites célébrations sympas en Kiri Dichetti, moi je les aime bien. C'est leur premier, on passe ça comme s'ils étaient... ils en ont déjà gagné, non ? À ce niveau-là ? À ce niveau-là, non. Non, c'est leur premier Super 1000. Oui, le premier Super 1000, ils avaient gagné les Jeux d'Asie, qui étaient leur meilleur résultat. Mais en 1000, je crois que c'était même leur première finale de 1000, je crois. C'était les championnats d'Asie, je crois. Mais les championnats d'Asie, pardon. Oui, j'ai dit. Ça reste quand même un titre majeur. Voilà. Quand même... Mais oui, ok. C'était. Et oui, première finale en 1000 et du coup, forcément, première victoire et donc deuxième titre de l'année. On en attend d'autres. L'autre demi, Benoît Chiasso, qui ont battu Kusuma Wardana Rambitan, alors match très très bizarre aussi. Les Malaisiens gagnent 12-21, 23-21, 21-13. Donc en gros, premier set, il n'y a qu'une seule paire sur le terrain. J'avais déjà, j'imagine toi aussi, j'avais déjà sorti des trucs à dégainer contre Chiasso quand ils l'auraient perdu. Deuxième set assez serré où tu vois que les Malaisiens sont un peu devant et ils se décomposent. En laissant les Indonésiens repasser, les Indonésiens qui ont un volant de match, où en gros, sur cet échange, donc un volant de match pour eux, ils ont tapé, je sais pas, 10 matchs. Là, Chiasso qui se met en mode mur, plus rien ne passe. Derrière, ils prennent le set avec mental giga clutch, et il n'y a plus que sur le terrain. Là aussi, belle clim en Indonésie quand même, puisque c'était la dernière paire représentante du pays dans un tableau qui le réussit quand même très bien. Donc voilà, match très bizarre où en fait on a vu vraiment, se trouve qu'au-delà de Kusuma Wardana Rambitan qui auront des regrets de ne pas avoir su finir, on a vraiment vu toute la carrière commune de Chiasso en un seul match, quoi. Le pire comme le meilleur. Putain, c'est tellement ça. Oh, c'est tellement un résumé de malheureusement, j'ai envie de dire, parce que je pense que leur niveau de jeu devrait leur permettre de faire mieux que ce qu'on est en train de décrire. Et c'est assez terrible justement que ce match résume presque tout leur partenariat. Et t'as beaucoup parlé d'eux, donc je vais pas non plus épiloguer, mais Kusuma Wardana Rambitan, cette semaine, je pense qu'une demi-finale, ils s'en contentent avec le niveau de jeu produit. Parce que je pense que eux aussi, c'est compliqué depuis leur retour de blessure, depuis leur retour sur le circuit. Mais c'était, d'ailleurs, je t'interromps, il me semble que c'était là, ouais. Que c'était à l'Indonesia Open qui s'était blessé, il me semble, non? Et je crois que oui, c'était à l'Indonesia Masters. Je voulais pas dire de conneries, Ok, je vais regarder, mais je me demande si ça faisait pas un an pile qui s'était blessé. Je vais vérifier ça le temps que tu finis. Mais il y a quand même deux victoires références face à Hassan Setiawan. Qui est référence XXL et face à Liang Wang qui est clairement pour moi la meilleure paire du moment, donc je pense qu'ils se sont rassurés parce qu'on se souvient quand même qu'à Orléans, pour ceux qui l'auraient oublié, ils perdent contre Julien Maillot et William Villéger que moi j'aime beaucoup, mais c'est pas la question, c'est quand même pas le même standing à mon avis, donc je pense qu'ils avaient besoin aussi de faire une semaine comme ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Non, c'était bien. Ouais, c'était bien l'Indonesia Open l'année dernière contre Chiasso justement. C'était en quart. Et oui, et pour finir, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour moi le match au plus référence, alors la victoire contre Hassan Setiawan, scénario assez fou aussi, 23-21 au 3e, mais celle contre les Chinois, ils perdent 17-11. Et remontée de fou avec ambiance incandescente, c'est notamment à ce match-là où je faisais référence quand je parlais de volcan dans l'intro. Belle victoire d'escroc, un peu sévère, mais il casse la dynamique des Chinois avec un temps mort médical où je pense qu'ils ont rien. Il faut savoir le faire aussi, hein, il faut savoir le faire, mais voilà, comme tu l'as dit, je suis d'accord avec toi, la meilleure paire du moment. Donc, les Chinois ne doivent pas le perdre aussi. Ouais, et exactement. Et côté Kusuma Wardana Rambitan, je pense qu'ils avaient même le niveau pour faire mieux, le gagner. Donc je pense que là, à la fois, ils se contentent de cette demi, mais il y a peut-être des petits regrets quand même. Alors, on va pas passer Milan non plus sur le double homme, donc on va switcher direct sur les paires françaises. Elles étaient quasiment dans la même partie de tableau. Alors, les Popov, Benoît, c'est dur de l'expliquer si on n'a pas expliqué ce qui passait en simple homme avant, mais rapidement, Christophe Popov qui s'est blessé en simple homme, qui a voulu quand même jouer le double, on va pas faire Milan, il joue contre Ranki Radicetti, les futurs vainqueurs, ils prennent 12 et 11-7 et ils abandonnent à la pause du deuxième. En vrai, on en reparlera peut-être plus sur le simple homme, mais ils auraient dû tout simplement pas le jouer parce qu'il était blessé d'avance. Il était blessé, donc c'était couru d'avance et voilà, même s'il n'était pas blessé. Il y aura peut-être un petit coup de gueule, rester jusqu'à la fin. C'est pour ça. Pas pour le watch time, mais parce que ça va mériter, je pense. C'est pour ça, on va pas en parler parce qu'on reparlera des pop-off en simple. Corvée Labarre, un match qui nous ont fait pas mal de fois où ils arrivent à inquiéter une grosse paire quand même, à savoir Ezou, les Chinois. Ils prennent le deuxième set 23-21, derrière ils perdent 21-9 au troisième. Voilà, Corvée Labarre contre des grosses paires, ils arrivent à. Dès qu'ils ont l'occasion de prendre un set, ils le prennent. Par contre, sur un match entier, ça reste beaucoup plus compliqué. Ouais, c'était trop compliqué, mais en fait, faut pas leur laisser la moindre opportunité. Mais globalement, il n'y a pas de regret, il n'y avait pas moyen de faire mieux. Non, je suis d'accord avec toi. Benoît, tiens, dis-moi de quoi tu veux parler. Il y a pas mal de paires dont on n'a pas parlé là, mais on va pas parler de tout le monde. Est-ce que t'as deux trois trucs que t'as retenu? Bah, Kangseo, on l'a vite fait mentionner, mais ils ont quand même tapé au Kikobayashi. Le niveau catastrophique d'Alfian Ardianto, alors qu'on les encensait il y a quelques semaines. Tu n'hésites pas à rebondir. Hein. Liu, j'ai même plus envie de m'énerver. Enfin, ils ont failli perdre contre Asrup Rasmussen déjà, puis perdre contre Koga Saito. Je pense qu'on est en termes de level, t'as capté un peu où on est. Ouais, je me souviens, à un moment, on parlait de hiérarchie chinoise incertaine en double homme. Maintenant, elle est très très certaine maintenant. Elle est très très certaine. Hein. T'auras pas de paire à Paris en jouant comme ça. Et t'en auras qu'une et on sait laquelle c'est. Voilà. Exactement. Actuellement, on est un peu là-dessus. Asrup Rasmussen, Benoît, tu sais qu'on est des criminels. Bah, tu sais ce qu'on a oublié, de parler d'eux la semaine dernière. Ils ont gagné un match, c'est non, ça Non, ils n'ont pas gagné de match. Et j'étais totalement passé à côté de ça. On avait dit qu'ils avaient failli battre Kusuma Wardana Rambitan. Ils ont perdu 21-19 au troisième. Mais Gil Clark l'a rappelé cette semaine. J'étais passé à côté de l'info. Ils ont perdu match alors qu'ils menaient 1-7-0, 11-2. Oui, c'est vrai qu'on était, on l'a pas regardé, enfin on l'a j'ai pas regardé vu, donc j'ai pas vu mais voilà. 1-7-0, 11-2, ils ont perdu. Donc bien joué à eux. Derrière ils sont même pas ridicules au 3ème, mais c'est quand même assez terrible de perdre un match où tu mènes, je le répète pour la dernière fois, 1-7-0, 11-2. Dernière victoire en mars contre les frères Popov. Allez, merci. Ouais, assez triste qu'arrive aux Danois alors qu'ils étaient pas, ils sont pas, le pire c'est qu'ils sont pas au fond du trou, mais juste ils en gagnent pas un, quoi. Ah oui, c'est ça. Voilà, on a parlé d'à peu près tout le monde. Mm-hmm. Pas de Minions, Benoît, d'ailleurs. J'étais étonné de pas les voir dans ce tableau. Oui, blessure, légère blessure de Gideon, je crois. Je veux pas dire de bêtises, mais je l'ai vu. Ils ont déclaré forfait juste avant. Ok, j'étais passé à côté de l'info. Et Li Wang, j'en parle, ça fait 3 ans qu'on en parle parce qu'ils sont champions olympiques, mais ils ont perdu au premier tour contre Koga Saito. Et ça reste très compliqué pour eux. On a fait le tour, Benoît ? Je crois bien que oui. Allez, let's go. Il y a pas mal de choses à dire sur le dernier tableau, donc on va y passer tout de suite. Le simple homme. Oh my goodness ! Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce tableau, mais pas sur cette finale, puisque Victor Axelsen a écartelé Anthony Ginting, 21-14, 21-13. Benoît, grosse ambiance encore, mais il aurait fallu encore beaucoup beaucoup plus pour faire basculer ce match dans l'autre sens. À aucun moment on a vu Ginting en capacité de le prendre. Jamais. Jamais, jamais. Absolument jamais. Mais voilà, pour moi, le niveau de Ginting est très bon en ce moment, mais je sais pas comment il pourra battre Victor Axelsen. Je pense que Ginting, c'est pareil. Il a gagné la semaine dernière, d'ailleurs, j'ai rêvé. Non, il a gagné à Singapour, hein, il me semble. Non, il a gagné à Singapour. Il a gagné à Singapour. Il a déjà battu, mais pour moi, ouais. Il n'a pas les armes. Quoi. Ce que je voulais dire, c'est qu'être le meilleur des autres, c'est-à-dire faire honneur à son rang de numéro 2 mondial, c'est le max qu'il puisse faire. Et à sa place, j'en serais très content, déjà. Franchement, il fait une bonne semaine où il perd qu'un seul set avant d'affronter Axelsen. Il fait des bons matchs contre Li Shifeng, il fait des bons matchs contre Christie. Franchement, dur d'espérer mieux, je trouve. Ouais, c'est un bon résumé, je trouve, de la situation. Ouais, dur d'espérer mieux. Je pense que pour lui, l'idéal, c'est que Axelsen se fasse sortir avant, mais c'est un de ceux qui a le moins les armes, en fait. Ah, je suis d'accord avec toi. Autant il était quand Momota était à son prime, il était celui qui avait le mieux les armes pour inquiéter Momota. Autant là contre Axelsen, il n'y arrivera pas, je pense. Enfin, ça me paraît compliqué. Deux profils très très différents. Ouais. Axelsen, deuxième titre de la saison, c'est tout. Hein. Enfin, deuxième Super 1000, mais. Deuxième titre même. Ouais, il y en a que deux et c'est les 2000. Ouais. 2 sur 3. Benoît, petite forme quand même d'Axelsen, retour de blessure, on l'a senti vraiment pas bon. Non, je déconne, il a écartelé tout le monde, les scores pour le plaisir. 12 et 8 au premier tour, ensuite 8 et 13, 5 et 19, 15 et 15 et 14 et 13. Voilà un Axelsen retour de blessure qui avait repris l'entraînement 3 jours, et c'est même pas, je crois que c'est ça, c'est même pas une blague, 3 jours avant d'aller en Indonésie, la semaine d'avant, il a repris l'entraînement, il est arrivé, il a mis des piles à tout le monde. T'as pas cité, hein, mais Wang Gongyang, Wang Tsuwei, Shu Jianchen, H.S. Pranoy et Anthony Ginting. Il a pas joué R6 quoi, il a mis des taux là, tout le monde, beaucoup trop fort. Il a fait une petite Antonsen aussi. en disant qu'il était lui-même surpris du niveau de jeu qu'il affichait. Et franchement, c'est dur de lui donner tort. Enfin, qui pouvait s'attendre ? Déjà, on n'était même pas sûr qu'il puisse jouer. Et lui qui s'était blessé contre Lizidja à la Sudirman, non seulement il peut jouer, mais en plus il se balade, franchement, impressionnant. Il n'y a pas grand-chose à dire sur lui. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est tellement... C'est Zeng Wang, hein. On est à une semaine très comparable. Ouais, non, franchement, mais sauf qu'Akhlesen revient de blessure, donc c'est d'autant plus... Oui. D'autant plus inattendu. Benoît, parlons des Français, et après, en l'occurrence des Popov, après on fera le tour de... On fera le tour des têtes de série. On va commencer par Thomas Junior, puisqu'il a passé un tour contre Li Chunyi, le Taïwanais, 21-18, 21-15. Derrière, il perd contre Jonathan Christie, l'Indonésien, 19-21, 21-11, 21-11. Qu'est-ce que tu penses de sa semaine ? Alors, il prend un premier tour pour un Super 1000, je ne veux pas dire cadeau, mais très très bon. Très très bon à prendre, quand ouais, même, le Taïwanais, même si c'est pas un mauvais joueur, mais voilà, 24e mondial à peu près comme le Français. Il fait carrément le boulot. Derrière, contre Christie, on sait que c'est un profil qui ne réussit pas. Il prend quand même le premier set, mais derrière, il n'y avait plus grand chose à proposer côté Français. Ouais, c'est un bon résumé. Il bat quand même un joueur qui, à mon avis, est dans une forme au moins similaire à la sienne. Donc, c'est une vraie perf. Il avait besoin de gagner aussi des matchs, Tommy, très clairement, même si il va mieux ces derniers temps. J'aurais bien aimé contre Christie qu'il soit capable de tenir sur la durée, mais très clairement, sur le deuxième et sur le troisième, ça nous a rappelé que des joueurs comme Christie, Li Chunyi, Lokinyu, c'est clairement des profils qui vraiment à l'emmerde et contre qui il a du mal à trouver une parade à cette vitesse de jeu qui vraiment lui pose problème. Je pensais que ce serait un peu aussi le cas face à Li Chunyi, même si c'est pas trop le même profil. Et il a mieux géré. Je pensais que, en fait, ce qu'on avait vu sur le premier contre Christie serait capable de le reproduire, mais c'était trop compliqué, surtout avec des volants lents. Je sais pas, j'y ai cru moi un peu. Ouais, moi aussi. Surtout le premier set, je me suis dit ah. Et en fait, derrière, on a vu le match qui ressemble un peu plus à ce qu'on avait vu par le passé. Ce qu'on voit d'habitude. Ouais. Son frère Christo, et là je pense que c'est peut-être le moment du coup de gueule, Benoît. Ouais. Alors il perd 15-21, 22-20, 21-1 contre Xu Tianchen. 21-1 puisqu'il s'est blessé sur le deuxième point, je crois, du troisième set. Il s'est blessé à la cheville, c'est ça, Benoît ? Tout à fait. Et, cheville fragile hein, chez Christo quand même. Ouais, tu as raison de le mentionner. Et il est resté sur le terrain. Pourquoi ? Parce que s'il avait déclaré forfait, il n'aurait pas pu jouer son double qui était plus tard dans la journée. Double dont on a parlé tout à l'heure contre les Indiens où il a finalement déclaré forfait en cours de match. Benoît, que dire à part que ça paraît immensément con te niquer. Je suis désolé, je suis vulgaire, mais ça m'énerve. T'abîmer la cheville. Et de perdre 21-1, ok, et de pas abandonner, tout ça pour jouer un double que t'as aucune chance de gagner contre Ranker et Dichetti quand t'es pas blessé, donc encore plus quand t'es blessé. Là, Benoît, cette obsession qu'ont les Popov pour continuer de jouer en double, c'est même plus marrant, parce que là, ça devient, sur ce genre de truc, ça devient carrément dangereux pour leur propre corps, et ça n'a vraiment aucun sens. Stupide, et autant que les... Après, on nous tapera peut-être dessus pour avoir dit ça, c'est pas très grave. Autant que les déclarations de Thomas Popov senior. Oui. Je pense que des fois, il vaut mieux ne rien dire, finalement, qu'avoir ce genre de déclat dans la presse. Oui, je comprends que c'est des sportifs de haut niveau, qu'il faut aussi savoir être détaché, même si t'es le père, et que quand t'es sur le terrain, t'es l'entraîneur. Mais je pense qu'il y a des trucs que tu peux pas dire. Il y a des moments où... Ben, peut-être que oui, il y a une certaine rigueur à la Bulgare ou cette rigueur qu'on peut connaître dans certains pays de l'Est. Genre, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Mais je pense qu'il y a des trucs. On parle de mecs qui potentiellement vont représenter la France au JO. Est-ce que ça vaut le coup de le forcer à finir un match où il n'a plus aucune chance de jouer pour aller jouer un double homme, où il n'a aucune chance de bien figurer et juste le seul truc, c'est de niquer sa qualif olympique. Moi je trouve ça ridicule. Clairement, moi je trouve ça ridicule et je suis curieux d'avoir ton avis, même si je pense que je le connais un peu, et le vôtre. Parce que est-ce que c'est une réaction que vous comprenez chez le père Popov? Moi perso, je la comprends pas du tout et je la trouve stupide, mais peut-être que c'est qu'un point de vue et après ça, c'est vraiment du jugement quoi. Ouais, en fait, c'est dangereux. Genre, tu peux vraiment compromettre, tu l'as dit, ta qualif. Ta qualif pour un truc, pour un match de double, franchement. C'est quoi le gain en fait ? Ouais, quel est l'intérêt ? Je comprends pas non plus. Il y aurait un intérêt financier ou autre, je pourrais entendre l'argument de dire bah vas-y, de toute façon tu vas pas jouer plus, continue le match mais n'aggrave pas la blessure. Mais là en fait c'est quoi l'argument? Même si Christo va mieux, hein, pour vous rassurer, il l'a dit sur ses réseaux, mais je trouve que c'est même pas ça le problème. Non, c'est clair que c'est bah ouais, non je sais pas, c'est oui, pour préciser ce qu'il a dit après oui. Le match, il a dit pour moi c'est ça le sport, parfois il faut juste croire en ton futur, c'est ok. Et après il ajoute c'était pas bien à regarder, enfin c'était dur, difficile à regarder, il a eu des problèmes avec ses chaussures, je pensais qu'il allait finir ça en 2-7, c'était vraiment pas loin, mais Xu Tianchen est un très bon joueur, je le respecte beaucoup, donc la prochaine fois. Christo est jeune, il a beaucoup à apprendre. Donc c'est vrai que c'est bizarre d'entendre un père dire ça après que son fils se soit blessé. J'avoue, je comprends pas. Et moi, ça m'interroge vraiment sur la façon dont ça va se passer, la qualif olympique des Popov, puisque comme c'est le père qui fait la stratégie pour les deux, au bout d'un moment, comment il va faire? Et au bout d'un moment, moi, je pense que le double, il peut perdre les deux. Donc en tout cas, ça, il faudrait clairement arrêter. Ouais, c'est ma position aussi. Et c'est vrai que du coup, bah, je dis un mot là-dessus. Christo méritait de le gagner en deux. Ou de le gagner tout court, parce que je pense qu'il proposait beaucoup plus que Xu Tianchen. On a revu vraiment, je trouve que Christo là il a compris certaines choses sur son jeu, et ouais, je kiffais bien ce qu'il proposait, et je pense que je suis pas inquiet, hein, on va le revoir à ce niveau là mais juste ouais, je suis comme toi, faudrait pas se retrouver à perdre les deux, parce que là ce serait vraiment un énorme échec quoi. Ouais, exactement. Sur les têtes de série, bah celui qui nous fait encore une grosse semaine, c'est notre ami Pranoy, hein, Benoît, qui n'usurpe pas du tout son rang de top 10, qui n'est pas le joueur le plus connu, le plus sexy à avoir joué, mais bon, ça paye. Ouais, il bat Nishimoto, Ngue Kalong, il bat Naraoka, il n'est pas dégueu contre Axel Sen. Ouais, Benoît, encore une belle semaine de Pranoy qui confirme que bah, son année 2022, c'était pas juste. Déjà, c'était un an complet. Et en plus, c'était pas juste une éclaircie momentanée. Il est vraiment pas mal. Bah, je suis totalement d'accord. Après, bon, il a aussi profité du fait que Naraoka a hérité du pire tableau possible. Ouais. Sans avoir de mec tête de série. Voilà. C'est vrai que le gars prend Antonsen et Shiyushi sur les deux premiers tours, c'est dur. Hein. C'est du jamais. Et puis Antonsen et Shiyushi qui jouent bien. C'est pas, les deux, on les a vus balancer des matchs, faire n'importe quoi. C'était clairement pas le mood de la semaine. Maintenant, Hs Pranoy, il a aussi un style de jeu qui embête Naraoka. Il l'avait battu de mémoire il y a un peu d'un match du même acabit il y a quelques semaines. Et ouais, non, Hs Pranoy, c'est le meilleur indien sans aucun débat sur début 2023 et même quasi sur 2022. Hein. On parlait de beaux matchs éventuels. Naraoka, il en a joué deux. Pour le coup, ils étaient sympas à voir, les deux qu'il a joué. Surtout celui contre Antonsen, très très bon. Et même celui contre Shiyushi, bah, 17 au 3ème contre Antonsen, 18 au 3ème contre Shiyushi. Franchement, sympa. Il est fort, quand même. Ah, il y a cette défaite en quart, mais ouais, c'est solide, hein, Naraoka. Ouais, très, très clairement. Benoît, on va parler de Lizidia, puisque potentiellement, on va plus en parler avant un petit moment. Défaite au premier tour contre Lakshya Sen, 21-17, 21-13. Et si j'en crois ce qu'il a dit après, Benoît, c'était la défaite de trop. Ouais, je pense qu'il est temps que... Il a dit qu'il aurait peut-être dû le faire avant. Mais voilà, qu'est-ce qu'il va faire du coup on l'a pas dit, mais il va prendre un peu de recul, je pense, sur le bas de quelques semaines de vacances. Peut-être aller jouer dans les casinos de Kuala Lumpur, qui sait. Je sais pas. Non, mais je pense qu'il en a besoin. Faut qu'il se retrouve. Je me suis même, tu sais, c'est assez terrible, hein, mais je me suis dit, est-ce que s'il était venu à Nantes, le gars, il aurait gagné le tableau, quoi. C'est une question légitime. Non, en fait, ouais, c'est vrai qu'il dit qu'il a plus de plaisir de jouer au bad, et c'est vrai que ça a l'air d'être un gars qui marche pas mal au mental. Je pensais que ça allait mieux ces dernières semaines, avec notamment l'arrivée de Darren Liu dans son staff, avait l'air de lui avoir fait beaucoup de bien. Mais ça nous rappelle que le mental et le cerveau, c'est pas une machine où tout est logique. Malheureusement, il est épuisé, pour lui. Et c'est vrai que c'est vrai qu'il va devoir faire mieux que ça, parce qu'il perd contre un Lakshya Sen qui est clairement pas au top non plus. Non, c'est clair. Qui a passé qu'un tour. Voilà, qui a perdu contre Kidambi derrière. Momota, défaite 8 et 15 contre Ngue Kalong. C'est triste à quel point on parle plus de Momota, Benoît, mais il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. Je pensais, j'y ai cru. Il erre sur le terrain. Ah, non, si vous avez vu ce match, il fait vraiment de la peine. Ouais, et puis lui, je pense qu'il, lui aussi, il est. C'est pas du tout la culture japonaise de faire ce que fait Lizzie. Mais ouais, ouais. En fait, enfin, ouais, y a plus rien, quoi. Est-ce qu'il a continué à jouer très longtemps, Momota? Moi, je commence à me demander si. Je me demande aussi. Je suis pas dans ces petits papiers, quoi. Mais je me demande si la fin de carrière, elle est quand même pas très proche, parce que là, il va 2024, même. 2024, Paris. Là-bas, non, mais il va pas y aller. Non, oui, il est quatrième. Est-ce qu'il va Non, mais est-ce que tu Je sais que tu sais, mais est-ce qu'il va tenter d'y aller? Parce que ça sert à rien, il ira jamais. Ouais, il va essayer. Il gagne pas un match. Il est moins bon que Tuneyama, que Nishimoto. Il est très très loin de Naraoka. Oui, voilà, c'est surtout Naraoka le problème. Voilà, c'est ça. Et est-ce qu'il va pousser jusqu'à 2024, voir qu'il va pas y aller au JO et arrêter après? Ce serait très triste, mais ça paraît être le scénario le plus probable maintenant, parce que je vois pas pourquoi. Je pense parce qu'on dirait qu'il a envie quand même. Ouais, donc voilà. Il a envie d'essayer, quoi. Tu le sens. C'est pas la même chose que Lydia, je comparais tout à l'heure, plus dans le dans leur mental actuel, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Il y en a un qui a pas perdu son amour du bad, mais qui a envie de retrouver un peu ce dont il était capable, quoi. Ouais. Celui qui a fait une bonne semaine, c'est celui qui a chopé le seul 1000 qui a échappé à Axel Sen. Pour l'instant, c'est Li Shifeng qui fait une demi. Alors, contre Ginting, il s'est fait étouffer. Il a pas beaucoup vu le jour, mais sinon, il a quand même battu Kidambi, Lokin Yu et Li Chukyu. Benoît, pas mal le chinois Shiyushi. Ou après son retour, on s'est dit, bon bah voilà, maintenant il va éclater tout le monde, je parle au niveau des Chinois, et trouver sa place de numéro 1 très facilement. Li Shifeng, qui est moins flamboyant, mais plus régulier, aura peut-être son mot à dire. Son mot à dire dans l'immédiat, je sais pas. Oui, il l'aura très probablement. Pour moi, Li Shifeng, c'est peut-être un peu ambitieux de dire ça, parce qu'aujourd'hui, il a pas la constance et tout, mais il a tout pour devenir l'avenir de la Chine. Je pense même plus que Shiyushi, bon, ils ont pas le même âge, mais vraiment Li Shifeng, je pense qu'il a vraiment ce truc de pouvoir aller chercher des grands titres. Je suis pas fan du joueur. Déjà qu'il a déjà un All England qui est déjà un grand titre. Ouais. Mais je le vois capable d'aller chercher des championnats du monde ou des Jeux d'Asie ou des JO. Il a 23 ans pour rappel, ouais. Il est quand même encore très jeune. Hein. Mais Shiyushi, après pour moi les deux seront à Paris. Hein. Ok. Il faut être dans les 16. Les deux dans les 16, ouais. Les deux dans les 16, aujourd'hui ils sont 6 et 10 au ranking mondial, je crois, ou 7 et 11, un truc comme ça. Enfin, pour moi, les deux seront à Paris, il n'y a pas vraiment de débat avec les autres pour moi. Ouais. Je suis assez d'accord. C'est vrai que pour le coup, les Lu Guangzhu, Wang Hongyang et tout, ça paraît une distance. Ouais, et je ne pensais pas que Li Shifeng serait celui qui émergerait aux côtés de Shiyushi, mais c'est clairement le cas. Non. Pour le reste, on a fait le tour. Pas de Viti Tsarn qui a déclaré forfait avant le tournoi. Et voilà, je pense qu'on a eu quelques beaux matchs. Eh ben oui, je pense qu'on en a aussi fait le tour. J'ai pas grand-chose à rajouter. J'ai pas non plus... À part le double homme, ce qui m'a vraiment fait kiffer, pas d'autres trucs. Je sais pas si toi, sur le plan global, non, mais ça transparaît un peu par rapport à ce qu'on disait, enfin ce qu'on a dit pendant ouais, une heure. J'imagine, c'est grosse ambiance. Ça fait trop plaisir d'avoir l'Indonesian Open. Puisqu'on sait qu'il y a eu des matchs à Bali, là on est de retour dans la vraie salle, vrai moment de l'année, l'été, et vraie ambiance, mais ouais, au niveau du jeu, je sais pas, c'est pas trop d'explications, mais c'était un peu meilleur la semaine dernière à Singapour, j'ai trouvé. Ouais, c'est un avis que je partage totalement. Ok. Benoît, avant de conclure, est-ce que, parce que là, alors là, il y a encore la tournée asiatique est pas finie, c'est à Taïwan, je crois, le 300 de l'année, la semaine prochaine. On va pas faire un épisode entier sur un 300, on en dira peut-être un mot s'il se passe des choses. Mais on ne va pas pour autant être absent la semaine prochaine, Benoît. Qu'est-ce qu'on va faire? Notre programme est malgré tout assez chargé. Il est assez chargé parce que on vous l'a promis et on va le faire. On va parler des retraites de certaines légendes chinoises et non-légendes. je vous laisserai écouter plutôt l'épisode de la semaine prochaine pour savoir qui on considère comme légende ou non. Voilà, on fera un quiz légende ou non. De quoi on parlera d'autre? De Badminton England. Parce que je pense que c'est un sujet. Je pense qu'ils nous écoutent et ils trouvaient qu'on parlait moins d'eux en ce moment. Ils se sont dit on va relancer un peu la machine. Voilà, puisqu'ils ont fait... À propos des sélections des Jeux européens. Exactement. Voilà. Vous vous souvenez de... pourquoi on parle beaucoup de l'NGND dans ce podcast ? Parce qu'ils ont été choisis pour aller au JO alors qu'ils étaient moins bien classés que Ellis Langridge. Et la Fédé va nous refaire les mêmes, la même aux Jeux européens, la Fédé anglaise. Sauf que cette fois, ceux qui se font avoir, c'est Merz Moore. Et ceux qui prennent la place, c'est Ellie Smith. Donc Marcus Ellis aura été des deux côtés. Et petit teasing, on n'aura pas mille choses à dire, mais on va en parler un petit peu. Mais pourquoi c'est très important ? À la rigueur, on peut se dire les Jeux européens, on s'en fout, parce que ça rapporte énormément de points pour la qualif olympique. Donc en gros, c'est ce qu'on se disait avec Benoît, c'est la fédé anglaise qui dit je veux envoyer 7 paires au JO, alors que quoi qu'il arrive, ils sont loin d'être les mieux classés, puisqu'il y avait même Al MacPherson devant Ellie Smith au classement, les Écossais. Donc voilà, petit scandale dont on va parler. Et après, peut-être des sujets un peu en vrac, donc peut-être le Taiwan Open, Nantes. Le tournoi à Nantes aussi qui a eu lieu cette semaine, on n'oublie pas, avec notamment la victoire d'Arnaud Merclet. Je sais que Benoît veut en parler, on réservera ça la semaine prochaine. Et peut-être, si on a le temps, ça c'est moi qui voulais en dire un mot, Li Chongwei et Lin Dan qui arrivent au Hall of Fame de la BWF, et Taufik Hidayat qui a décidé de sortir du bois et de critiquer publiquement Li Chongwei en disant, je vous résume, qu'il n'y a pas sa place. Bref, et du coup, scandale en Malaisie, je pense que maintenant, il y a une menace de mort sur Hidayat. On touche pas. Missiles nucléaires, mon pote, sur la maison de Taufik Hidayat. On touche pas au Datouk. Voilà, donc programme chargé. La semaine prochaine, on va faire un épisode un peu sur le format qu'on avait fait une seule fois, où on avait notamment parlé du départ d'Anton Sen pour Dubaï à l'époque. Cet épisode avait plutôt bien marché. Donc voilà, on va refaire un épisode un peu avec pas mal de sujets, où on navigue un peu et on se focalise pas sur un seul tournoi. Merci Benoît d'avoir fait cet épisode avec moi. Merci à toi Ewan comme toujours, et merci à vous pour votre écoute. Voilà, donc on se retrouve le 26 juin pour cet épisode chargé, et le 3 juillet ce sera le débrief des Jeux européens dont on a parlé à plusieurs reprises dans cet épisode. Ça va être sympa aussi. Merci de nous écouter, merci d'être toujours actif sur le Discord. Moi j'ai un peu moins le temps d'y aller, mais à chaque fois il y a surtout un noyau très actif et de plus en plus de gens qui le rejoignent, donc ça fait très plaisir. Si vous êtes un peu en retard, il n'y a pas de souci, le lien il est dans la description de l'épisode. Pareil pour nos réseaux Instagram, Facebook, etc. Tous les liens sont dispo dans la description. On se retrouve lundi prochain. À plus. 经历这平凡的事。